Chapitre 2. 11 signes. En se réveillant, Elisa remarqua que le soleil était levé depuis longtemps. Elle ne put néanmoins le voir à cause des grands arbres qui étendaient leurs branches sur sa tête. Mais ses rayons les perçaient, semblables à une gaze d'or soulevée par le vent. La verdure répandit un parfum délicieux et les oiseaux venaient se poser sur les épaules de la jeune fille. Elle entendait murmurer l'eau qui coulait de plusieurs grandes sources et se rendait dans un lac dont le fond était du sable le plus fin. Bien qu'entouré d'épaisses broussailles, ce lac était accessible par un endroit où les cerfs avaient pratiqué une large ouverture. C'est par cette ouverture qu'Elisa arriva au bord de cette eau, tellement limpide que si le vent n'avait pas agité les branches et les buissons, elle les aurait crus peints au fond. Dès qu'elle aperçut sa propre figure si noire et si laide, elle recula d'horreur. Mais lorsqu'elle eut mouillé sa petite main et frotté ses yeux et son front, la blancheur de sa peau reparut aussitôt. Puis, quittant ses vêtements, elle se baigna dans l'eau fraîche. Jamais fille de roi n'avait été plus belle qu'elle. S'étant rhabillée et ayant formé une tresse de ses longs cheveux, Elisa se rendit près d'une source jaillissante, but dans le creux de sa main, et s'enfonça dans la forêt sans savoir où elle allait. Elle pensa à ses frères et au bon Dieu, qui certes ne l'abandonnerait pas, lui qui fait croître les pommiers sauvages pour satisfaire la faim de l'homme fugitif. Il lui fit découvrir un de ces arbres dont les branches pliaient sous le poids de leurs fruits, et elle s'y arrêta pour prendre son dîner. Puis elle pénétra dans la partie la plus sombre de la forêt. Là, le silence était si profond qu'elle entendait le bruit de son pas léger, le froissement de chaque feuille sèche qui se rencontrait sous ses pieds. On ne voyait pas un seul oiseau, et pas un rayon de soleil ne pouvait pénétrer à travers les branches longues et épaisses. Les troncs des arbres se rapprochaient tellement qu'en regardant devant elle, elle aurait pu se croire entourée d'une quantité de gris formée par des poutres. C'était une solitude dont elle n'avait jamais eu l'idée. La nuit devint d'une profonde obscurité. Aucun petit ver luisant ne brillait plus sur la mousse. La tristesse dans l'âme, Elisa se coucha et ne tarda pas à s'endormir. Pendant son sommeil, il lui sembla que les branches s'écartaient au-dessus d'elle et que le bon Dieu, entouré de petits anges gracieux, jetait sur elle un regard doux et pénétrant. En s'éveillant, elle ne savait pas si tout cela était un rêve ou une réalité. Elle continua son chemin et rencontra une vieille femme portant un panier rempli de fruits et qui lui en offrit quelques-uns. Elisa lui demanda si elle n'avait pas vu 11 princes à cheval traverser la forêt. « Non, répondit la vieille, mais j'ai vu hier 11 cygnes avec des couronnes d'or sur la tête nager dans un lac près d'ici. » Elle conduisit la jeune fille à une pente au pied de laquelle serpentait un ruisseau. Les bords étaient couverts de grands arbres qui entrelaçaient leurs branches et les laissaient pencher sur l'eau. Elisa dit adieu à la vieille et chemina le long du ruisseau jusqu'à l'endroit où il se jetait dans un grand bassin. Maintenant, la mer s'étendait dans toute sa magnificence devant les yeux de la jeune fille. Mais aucune voile, aucun bateau ne s'y faisait voir qui pût la porter plus loin. Elle regarda sur le rivage les innombrables petites pierres arrondies par l'eau. Le verre, le fer, les cailloux, tout avait reçu la même forme, quoique l'eau fût encore plus légère que la main délicate de la jeune fille. Ces petits objets roulent continuellement, disait-elle. C'est ainsi que tout ce qui est dur devient poli. Moi aussi, je serai infatigable. Merci de votre leçon, flot limpide et mobile. Mon cœur me prédit qu'un jour vous me porterez auprès de mes frères chéris. Sur le goémon rejeté par la mer, se trouvaient 11 plumes de cygne blanc arrosées de quelques gouttes d'eau. Était-ce de la rosée ou des larmes? Nul ne pouvait le savoir. Elisa les ramassa et en fit un bouquet. Elle ne semblait pas s'apercevoir de la solitude du rivage, car la mer, par ses variations perpétuelles, offrait en quelques heures un spectacle plus intéressant que celui de plusieurs lacs pendant toute une année. Chaque fois qu'apparaissait quelques grands nuages noirs, la mer semblait dire « Moi aussi, je veux prendre cet aspect. » Alors le vent agitait les flots et il se couvrait d'une blanche écume. Si au contraire les nuages étaient rouges et le vent calme, la mer ressemblait à une feuille de rose, Elle devenait tantôt verte, tantôt blanche. Au milieu du plus grand calme, un léger mouvement se faisait cependant sentir au rivage et l'eau s'y soulevait doucement, comme la poitrine d'un enfant endormi. Au coucher du soleil, Elisa aperçut 11 cygnes sauvages avec des couronnes d'or sur la tête qui s'approchaient de la côte. Ils volaient l'un derrière l'autre comme un long ruban blanc. À cette vue, elle gravit la pente et se cacha derrière un buisson. Bientôt, les cygnes se posèrent auprès d'elle en battant de leurs grandes ailes blanches. Au moment où le soleil disparut derrière l'eau, le plumage des oiseaux tomba et ils devinrent 11 beaux princes, les frères d'Elisa. Elle poussa un cri en les reconnaissant. Elle se jeta dans leurs bras en les appelant par leur nom. Eux aussi furent bien heureux de retrouver leur petite sœur, si grande et si embellie. Ils riaient et pleuraient tour à tour et ils comprirent bientôt qu'ils étaient tous victimes de la méchanceté de leur belle-mère. « Nous volons, » dit l'aîné, sous l'apparence de cygne sauvage, tant que le soleil brille dans le ciel. Mais, dès qu'il a disparu, nous reprenons la forme humaine. C'est pourquoi nous devons toujours au coucher du soleil chercher un point d'appui pour nos pieds. Car, en continuant à voler vers les nuages, nous retomberions comme des âmes dans l'abîme. Nous ne demeurons pas dans cet endroit. Nous habitons au-delà de la mer, un pays aussi beau que celui-ci, mais la route est bien longue. Pour y arriver, il faut que nous traversions la vaste mer sans trouver aucune île où nous puissions passer la nuit. Un seul rocher, étroit et solitaire, où nous tenons à peine serrés les uns contre les autres, s'élève au milieu des flots. Lorsque la mer est grosse, nous sommes parfois couverts par les vagues. Et cependant, nous remercions Dieu de cet asile. Là, nous passons la nuit sous forme humaine. C'est le seul moyen qui nous reste de revoir notre chère patrie, car il nous faut pour faire nos traversées les deux plus longs jours de l'année. Il ne nous est permis de visiter notre pays natal qu'une fois par an. Pendant 11 jours, nous pouvons rester ici, et alors nous nous élevons au-dessus de la grande forêt, d'où nous apercevons le château qui nous a vu naître et où réside notre père, la haute tour de l'église où notre mère a été enterrée. Les arbres et les buissons semblent être nos parents. Les chevaux sauvages courent dans les prairies comme du temps de notre enfance. Les charbonniers y entonnent encore les vieilles chansons que nous écoutions avec tant de plaisir. Enfin, c'est ici notre patrie vers laquelle nous tendons toujours et où nous venons de te retrouver, bonne petite sœur. Nous avons encore 2 jours à rester. Puis, il faudra partir pour un pays magnifique mais qui n'est pas notre patrie. Comment t'emmener par-delà la mer? Nous n'avons ni vaisseau, ni barque. Que pourrais-je faire pour vous sauver? Dit la sœur. Et ils s'entretinrent presque toute la nuit sur les moyens d'accomplir leur délivrance, ne donnant que quelques heures au sommeil.